5 ans qu'on est marié avec ma femme. Je me souviens le matin des noces, elle était dans la cour de la ferme. Je lui dis, Berthe, viens ici. J'ai rien à t'offrir pour ton mariage, j'ai une idée. Oui, j'ai une idée, je vais te donner tout le fumier des... Elle m'a dit, c'est pas vrai. Si, à partir d'aujourd'hui, tout le crottin, ça sera pour toi. On est que des pauvres paysans. Elle s'est mise à genoux sur le perron de la ferme. Et quand je l'ai eu relevée, j'ai senti quelques gouttes de larmes qui tombaient sur ma main calleuse. Je ne suis pas moqué de toi. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, tout le crottin, ça sent pour toi. Le lendemain matin, le soleil n'était pas levé. Avec la fourche, hop, le crottin s'était pourri. On est que des pauvres paysans. Elle en fait des tas qu'elle expédie à Paris chez les champignonniers. Parce que le champignon de Paris ne pousse exclusivement que sur le crottin de cheval de province. Alors toutes les semaines, on a son wagon. Son wagon de crottin. 5 ans qu'on est mariés. 5 ans. L'autre jour, elle me dit, Lucien, si tu m'amenais à Paris. Oh, ben, j'ai dit, si tu veux. Montons dans la bétalière. Et on a été place Vendôme. Comment on appelle ces bijoutiers? Faut pas dire bijoutier, c'est que ça les vexe. Hein. Faut dire orfèvre. C'est qu'à Paris, c'est déjà un roulard. On a été fait nommé Van Cleef et Boucheron. Enfin, non, comme ça, quoi. Puis avec l'argent du fumier, elle s'est acheté un diamant. Soi-disant qu'il est pur. Moi, il me plaît pas. Il est trop gros. C'est ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que tu veux avoir pour 60 millions? On est que des portiers. Si vous passez par ces montagnes cette année, venez à la maison, je vous ferai goûter mon dernier vin blanc. On cassera quelques mois ensemble. Vous n'avez pas à vous tromper. Vous n'avez qu'à demander à nommer Crésus.